On s'accroche à ses bouts de rêve. Rosanna, tu as peur des coups de glaive. Rosanna, tiens le coup, je t'en prie. Ne me lâche pas quand les mots te supplient. Calice, Rosanna, je te le dis pas. Rosanna, Rosanna, je m'éloigne du précipice. Rosanna, Rosanna, quand bien même je... Tu m'as quitté tant de fois. Rosanna voit les étoiles se déploient. Désormais d'étoiles sur nos têtes, brillant dans nos cœurs qui s'entêtent. Rosanna, ça ne va pas. Rosanna.